le 10 décembre 1522 et ils vont aboutir quelques jours plus tard. Alors, disons-le, les hospitaliers s'en tirent honorablement. Ils se voient accorder une dizaine de jours pour quitter les lieux. Ils peuvent le faire avec leur possession, avec un certain nombre de canons. Soliman leur octroie même les honneurs de la guerre. Donc, ça n'est pas du tout une capitulation lamentable. Au sein de la population, ceux qui le souhaiteront vont pouvoir s'en aller eux aussi. Et l'islam ne sera pas imposé aux vaincus. Ça, c'est toute la vieille stratégie des anciens Turcs Seldjoukides, de ces Ottomans extrêmement habiles et qui vont comme ça réussir à gagner toute une partie du monde. Ainsi, le 1er janvier 1523, les hospitaliers quittent l'île qu'ils avaient défendue avec tant d'acharnement depuis plus de 2 siècles. Ça doit être un déchirement effroyable pour eux. Mais pour autant, leur épopée n'est pas terminée. Et là, je cite Jean-Marc Roger. « Les hospitaliers ne savaient où aller. Le grand maître se montra un chef à la hauteur de la situation. Pendant plus de 7 ans de pénibles tribulations, il dut déménager successivement le couvent de lieu en lieu provisoire, s'arrêtant à Messine, à Naples, à Civitavecchia, à Viterbe, puis à Nice. Ne reculant pas devant les voyages, il sollicita l'appui du pape, de l'empereur Charles Quint, des rois de France et d'Angleterre. » Mais finalement, vous savez que c'est l'Espagne qui va offrir aux hospitaliers un refuge à partir de 1530. Ce refuge, c'est Malte. Malte, décidément, encore une île à défendre. Bonjour Julien Théry. Malte, c'est devenu le nouveau nom, si je puis dire, de ces hospitaliers. Hein, ces chevaliers de l'ordre de Malte. Oui. Alors, il y a eu ensuite différentes branches qui se sont développées. Mais oui, l'ordre de Malte, globalement, est l'héritier des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, c'est-à-dire de cet ordre qui, il faut le rappeler quand même, est fondé au cœur du Moyen-Âge, avec la première croisade et son succès avec la prise de Jérusalem en 1099. On peut peut-être rappeler au passage, puisque vous avez rappelé la parenté avec les Templiers, effectivement, ce sont les deux grands ordres militaires les plus connus, que l'ordre des Hospitaliers est antérieur. Hein, c'est le tout premier ordre de cette nature, avec quand même une très grosse nuance à apporter. Il est issu d'une communauté de marchands d'Amalfi qui vivaient en Terre Sainte au XIe siècle, à une époque où les pèlerinages étaient possibles, les pèlerinages de chrétiens vers la Terre Sainte, et qui s'occupaient des pèlerins. Et ces marchands amalfitains se sont développés, enfin certains de ces marchands amalfitains se sont développés en communautés religieuses de type caritative. C'est seulement avec la prise de Jérusalem par les chrétiens et puis le développement de l'ordre du Temple, qui lui est immédiatement militaire, que l'ordre des Hospitaliers se militarise. Oui, donc au départ, ce ne sont pas des militaires. Exactement, ce ne sont pas des moines soldats au départ, contrairement aux Templiers. Et d'ailleurs, il en est resté quelque chose, parce que on les verra se battre. Là, je viens de décrire des sièges effroyables, des gens qui sont de remarquables artilleurs, notamment, etc. Mais au départ, ce ne sont pas des soldats et dans l'inconscient collectif, si je puis dire, ils ont toujours paru moins belliqueux que les Templiers. Bien sûr, ne serait-ce que leur nom, tout simplement, qui renvoie à l'hospitalité et non pas à la guerre. Cette militarisation de l'ordre des Hospitaliers, elle est assez mal connue dans ses modalités et même dans sa date par les historiens, mais c'est seulement, probablement à partir des années 1130 au plus tôt, 1140, voire 1150, c'est-à-dire assez avant, au moment finalement Six de la deuxième croisade. Après, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, au moment où il devient de plus en plus urgent de défendre ses possessions, puisque, comme vous le savez, Jérusalem, elle, est reprise dès 1187. Il y a un très long processus finalement de perte des possessions en Orient qui commence dès cette date et qui se termine avec la perte de Rhodes beaucoup plus tard. Je pense que les Templiers, nos auditeurs, les ont à peu près à l'esprit. Les Hospitaliers, c'est un peu moins familier. On va voir dans un instant à quoi ils ressemblent, quelle est leur règle, comment ils vivent tout simplement. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous propose de faire connaissance avec les chevaliers hospitaliers. Nous sommes au cœur de leur épopée. Avec votre invité, vous recevez Julien Théry. Il est historien, professeur d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2. Est-ce qu'on peut dire, Julien Théry, que ce sont les hommes du pape, ces hospitaliers ? Oui, dans une large mesure. Comme sont censés l'être, disons, les membres de la plupart des ordres religieux, mais tout particulièrement ce type d'ordre qui est fondé relativement tardivement dans l'histoire du monachisme, qui commence dès l'Antiquité tardive. Ces ordres-là, effectivement, sont très hiérarchisés et la hiérarchie elle-même des ordres est directement soumise à la papauté. C'est-à-dire que le grand maître de l'ordre des hospitaliers, on appelle ça l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ne doit de compte qu'au pape, c'est bien tout cela. Tout à fait. Et c'est un bon exemple de ces quelques ordres qui deviennent de véritables états, y compris territoriaux, à partir de la fin du Moyen-Âge. Non seulement, effectivement, ils ne dépendent que du pape, et donc pas des autorités locales, des évêques, des archevêques, et encore moins des pouvoirs séculiers, mais en plus, ils ont tendance à prendre leur autonomie par rapport au pape. C'est-à-dire que les grands maîtres deviennent de véritables chefs d'État. L'un des meilleurs exemples, c'est aussi l'état des chevaliers teutoniques. Oui, bien sûr. En Europe du Nord, tout à fait en Prusse, là, sur la Baltique, sur les territoires qui correspondent à la Pologne et à la Prusse, avec lesquels la papauté, à la même époque, au XIVe siècle, où les Turcs commencent à avancer d'ailleurs dans les Balkans, a du mal à imposer son autorité. Il y a toute une série de procès de la papauté contre le grand maître et les chevaliers de l'ordre teutonique parce qu'ils mènent une politique complètement autonome. Mais on peut dire la même chose des hospitaliers. On peut aussi dire la même chose, dans une large mesure, des templiers, avant qu'ils ne soient supprimés au début du XIVe siècle. On sait bien que la défense des États latins, au fur et à mesure qu'elle se fait de plus en plus difficile, engage de plus en plus nettement les responsabilités du grand maître des templiers, du grand maître des hospitaliers, qui parfois d'ailleurs sont en désaccord, et dont les querelles, à l'intérieur des ordres aussi, entre hiérarques, on a vu celle pendant le siège de Rhodes, entre le grand maître et son ancien concurrent qu'il finit par faire exécuter, ces querelles internes, que la papauté ne peut pas maîtriser, peuvent affaiblir largement les positions chrétiennes. Donc ce sont bien quand même des moines, qu'on le veuille ou non, ils peuvent être considérés comme des moines. Quelle est leur règle ? Quelles règles suivent-ils ? Alors, techniquement, leur règle ressemble plus, à une règle canoniale à beaucoup d'égards. Puisque l'une des définitions, l'un des points essentiels des règles monastiques en ce qui concerne les moines stricto sensu, c'est la clôture. C'est le fait qu'ils ne doivent pas sortir de leur monastère. Or, la vocation... Ils sont cloîtrés. Ils sont cloîtrés, c'est ça. La vocation de ces moines soldats, de ces religieux militaires, c'est évidemment, à l'inverse, d'être actifs dans le siècle, comme on dit actifs dans le monde. D'une part, pour protéger les routes, pour... Ce sont un peu les policiers de Terre Sainte, disons les choses. Il y a ce côté-là, oui, tout à fait. Et c'est d'abord comme ça que les templiers, puis les hospitaliers par contagion, au début du XIIe siècle, agissent. C'est à des fins de protection des routes, des pèlerins, pour les acheminer jusqu'à Jérusalem. Puis quand la Terre Sainte va être menacée, il va s'agir ensuite de la défendre. Alors, au temps du royaume latin de Jérusalem, au début, il y a une concurrence, voire même une opposition entre templiers et hospitaliers ? On n'a pas trace de tension. Non, ça se passe bien, disons. Dans les premiers temps, oui. C'est pas... ce qui marque plus quand même l'histoire des États latins et de leur désagrégation, progressive, sont des dissensions à l'intérieur des ordres, en particulier à l'intérieur de l'ordre du Temple, et puis des manques de coordination entre les dirigeants de l'ordre du Temple d'un côté, de l'ordre des hospitaliers de l'autre, et les barons latins de Terre Sainte, le roi de Jérusalem, le comte d'Édesse, les différentes aristocraties, hiérarchies des quatre États qui se constituent en Terre Sainte. C'est-à-dire que ces chefs séculiers voient d'un assez mauvais œil le rôle essentiel que jouent les moines soldats. Et ils voient surtout d'un mauvais œil l'autonomie. L'autonomie qu'ils sont en train d'acquérir, bien sûr. Oui, tout à fait. Bon, alors, quand tout ça s'effondre, on a bien compris, 1291 c'est fini, il faut s'en aller. Combien sont-ils concrètement ces chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, ces hospitaliers? Les sources ne permettent pas d'être très très très précis. Mais en 1291, il reste vraiment plus grand monde. Il reste quelques centaines de chevaliers, avec leur entourage, avec leur personnel. Et physiquement, comment font-ils pour... Dans un premier temps, ils vont se réfugier à Chypre, on l'a vu. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils empruntent des navires marchands. Comment font-ils? Alors, À cette époque-là, on a très souvent recours, quand il s'agit d'opérations comme ça, de transfert, vous l'avez mentionné d'ailleurs, vous avez mentionné les Génois, aux grandes républiques maritimes italiennes. Qui servent de passeurs en fait. Exactement, qui convoient, c'est pareil d'ailleurs quand on part en croisade, il faut toujours conclure un accord au préalable, soit avec Venise, soit avec Gênes, pour faire le transfert, faire le déplacement. Alors, quand on se promène un peu à Rhodes, que j'ai eu la chance de faire il y a 2 ans, on se rend compte que ça n'est... Alors, c'est très beau, hein, c'est incontestable, mais c'est d'abord extrêmement proche du continent. C'est-à-dire qu'on voit le continent quand même. Hein, c'est l'actuelle Turquie qui est... On ne peut pas dire que ce soit très à l'abri, d'une certaine manière. Et puis alors, c'est sévère quand même, du point de vue du climat, etc. C'est aride, aride, aride. C'est austère. Comment transforme-t-on une île, comment transforme-t-on un caillou comme celui-là en un pays prospère? Parce que ça a été le cas quand même. C'est vrai. Mais alors, il n'arrive pas, et vous l'avez bien dit d'ailleurs, il n'arrive pas dans un pays qui est désertique. Hein. Mm-hmm. Il y a toute une civilisation qui est là, toute une histoire, des populations bigarrées, vous l'avez souligné, du point de vue des origines, de l'ethnicité, des croyances. C'est un lieu où cohabitent des chrétiens grecs orthodoxes et des musulmans. Vous avez souligné d'ailleurs qu'après l'installation des hospitaliers, il y a une politique tout à fait pragmatique à cet égard. Et je pense que c'est l'occasion de souligner qu'il ne faut pas se représenter complètement quand même cette histoire de la progression des Ottomans, du recul chrétien et de la défaite notamment des hospitaliers, comme un choc des civilisations, comme un conflit. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez souligné par exemple que quand il y a des intrigues... Il y a des gens... toutes les communautés sont très partagées en quelque sorte. C'est ça, elles cohabitent. Oui. Quand il y a des intrigues chez le sultan, dans la famille des sultans, souvent les perdants viennent se réfugier chez les chrétiens. Hospitaliers. C'est quand alors même... ça fait penser... Ça fait penser déjà à l'Espagne arabo-musulmane du haut Moyen-Âge et Charlemagne et les Carolingiens en face. On a tendance à présenter aujourd'hui la bataille de Poitiers, par exemple, en 732, qui est un autre épisode, finalement, 8 siècles avant Rhodes, d'affrontement entre les musulmans d'un côté et des chrétiens de l'autre. On a tendance à présenter ça comme deux civilisations qui s'affrontent. En réalité, deux religions qui s'affrontent. Voilà, en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Du tout comme ça, au fond, que les choses se passent. Ce ne sont pas des guerres de religion. Et d'ailleurs, ce sont des guerres de territoire. C'est ça. Ce sont d'abord des problèmes de conquête, des problèmes géopolitiques. Alors, bien sûr, il y a une idéologie derrière qui est très marquée à la fin du Moyen-Âge. La papauté n'arrête pas d'appeler les souverains chrétiens, en particulier, à arrêter de se chamailler, arrêter de se faire la guerre, que François Ier, front contre Charles Quint, contre les musulmans, en fait. Arrête de se faire la guerre pour aller tous en bons chrétiens défendre l'Occident face à ces Ottomans qui, c'est la grande nouveauté à partir du XIVe siècle, une sorte d'inversion. Avant, c'était les chrétiens qui progressaient en Terre Sainte. Maintenant, non seulement ils ont perdu la Terre Sainte, mais ce sont les Ottomans qui progressent en Europe. Alors, la forteresse de Rhodes en tant que telle et ce magnifique, incroyable palais des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, c'est une chose éblouissante. C'est un des grands vestiges architecturaux de la Méditerranée. On y vient dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire des chevaliers hospitaliers. Nous allons maintenant nous rendre sur place à Rhodes avec votre invité Julien Théry. Il est historien, professeur d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2. Quand on traverse les cours plus ou moins ombragés, lorsqu'on gravit les escaliers monumentaux, lorsqu'on pénètre dans les gigantesques salles de marbre de ce palais de Rhodes, on se fait une idée beaucoup plus précise de la grande puissance des hospitaliers, Julien Théry. Ça donne une idée de la prospérité de l'ordre. Incroyable. Hein. Avec deux principales sources de revenus qui expliquent cette prospérité. Bien sûr, d'un côté, leur capacité à mettre en valeur l'île, à l'exploiter selon un système seigneurial dont l'intérêt est de respecter les us et coutumes, la vie des communautés pour que leurs activités économiques précisément prospèrent et que par prélèvement fiscal, il y ait des débouchés dans les caisses du trésor des hospitaliers. Mais il y a aussi, il faut surtout pas l'oublier, une grande emprise territoriale de l'ordre des hospitaliers en Occident, à l'arrière, comme on dit, en parlant, si on oppose le front face aux Ottomans. à l'arrière qui serait l'Occident, il y a tout un réseau de maisons hospitalières qui possèdent des terres dont elles tirent des revenus assez abondants. Et ces revenus sont versés au grand maître qui, lui, se trouve à Rhodes. Sont transférés et sont gérés par l'ordre qui, évidemment, d'abord prend soin de son quartier général. Et... Il y a de grandes familles, alors là je parle de familles laïques, mais il y a de grandes familles de chevaliers en Occident qui travaillent, si je puis dire, pour les hospitaliers. Alors, et qui... pas des familles entières. En revanche, il est de tradition dans la noblesse, en particulier la haute noblesse, que certains rejetons, des cadets en particulier, embrassent la carrière militaire très tôt, souvent. C'est quelque chose d'ailleurs qui va se prolonger jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Hein, et ça existe encore aujourd'hui même. Hein, être chevalier de l'ordre de Malte, ça peut être une manière, bien sûr, oui, en laïque, de vivre un style de vie consacré. Oui. Nous vous consacrerons, depuis le temps que nous, je le dis, ça doit faire 3 ans, mais nous consacrerons un de ces jours une émission à l'ordre de Malte en tant que tel. Mais c'est intéressant de voir quelle est sa généalogie, quelles sont ses origines à travers cette affaire des hospitaliers. Hein. Alors, encore une fois, quand on est à Rhodes, la splendeur des lieux laisse imaginer des intrigues de palais. On a très envie, quand on se promène dans ces salons de marbre, d'imaginer ces moines chevaliers en train de conspirer les uns contre les autres pour devenir grand maître, etc. C'est comme ça que ça se passe De fait, bien sûr. Bien sûr, il s'agit d'un ordre à la tête duquel la magistrature suprême est élective et comme toujours... Dès qu'il y a des élections, il y a de l'intrigue. Bon, aussi quand il y a des successions, parce qu'il y a toujours possibilité de coup d'État, etc. Mais bien sûr, c'est une société politique, avec ses intrigues, avec ses coteries, auxquelles correspondent aussi des choix géostratégiques différents éventuellement. Mais bien sûr, il y a des luttes de clans. Et la menace ottomane, qui se précise chaque jour davantage, aurait dû normalement mettre de l'ordre à l'intérieur Oui. Mais c'est pas ce qui se passe, en fait. Mais un contexte obsidional, disons, un contexte où on est assiégé, où il y a une urgence absolue, bien sûr, ça favorise l'unité. Mais quand il semble que les options à prendre puissent être différentes selon le point de vue, que c'est une question de survie, ça peut dégénérer, comme ça a été le cas, comme vous l'avez rappelé, en lutte interne terrible, puisque quand même, exécution en plus 2 mois à peine avant la reddition finale de l'ancien concurrent du grand maître en poste, au poste de grand maître, pour trahison, c'est quelque chose. Alors oui, on a vu Mehmet, Bajazet, etc., en découdre avec les hospitaliers, mais celui qui décide d'en finir avec eux, c'est Soliman. Ah oui, alors... Oui. Souleyman. Personnage mythique, évidemment, celui qui va rétablir le califat, qui va transformer les sultans en califes, c'est-à-dire reprendre la succession de Mahomet, qui s'était dans une large mesure interrompue. Enfin, il y avait encore quelqu'un, un abbasside qui prétendait être calife, mais enfin, c'était un personnage tout à fait insignifiant. Cette politique de prestige de la part de Soliman implique évidemment de venir à bout de Rhodes. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il passe tant de temps finalement pour ce rocher? Comme vous dites, pourquoi est-ce qu'il y attache c'est tant d'importance? Non, en fait. Oui, bien sûr. Il y a c'est une comme dimension... une épine dans le pied du géant turc, c'est ça, en fait. C'est hein. ça, c'est ça. Il y a une dimension absolument symbolique, emblématique. Il y a une politique de prestige. Il suffit pas de progresser dans les Balkans jusqu'à Belgrade et encore au-delà, puisque c'est finalement Vienne, vous l'avez dit en passant, qui va être menacée. Et là, vraiment, les portes de l'Europe occidentale, presque. Il faut aussi enlever, effectivement, cette épine du pied. Qui est là, et toute proche. Ouais, elle, ouais, là, pour le tout coup. À fait. À portée de vue des côtes de l'Anatolie. On n'a pas parlé de la fin des Templiers, au passage. Mais lorsque Philippe le Bel finit avec la complicité du pape, complicité, forcée. Vous nous avez montré que c'était une complicité forcée, vous êtes venu nous l'expliquer. Complicité, c'est vrai. Mais lorsque le roi de France met fin, on va dire, à l'ordre des Templiers, la fortune gigantesque des Templiers, elle passe à qui ? Aux hospitaliers, ça a joué un rôle, sans doute. Bien sûr, ça explique aussi effectivement la prospérité de l'ordre. Une partie des biens des Templiers sont passés à des ordres ibériques aussi. Et même certains petits ordres ont été créés spécialement au Portugal, par exemple, en Espagne. Mais effectivement, le gros des territoires détenus par les Templiers en Occident est allé aux hospitaliers. Et même certains membres de l'ordre du Temple ont été intégrés dans l'ordre de l'hôpital. Alors à propos de péninsule ibérique, c'est finalement en Espagne qu'après une longue errance, ceux qui survivent de l'ordre des hospitaliers vont s'installer. Le roi d'Espagne plus tard leur donnera Malte, c'est ça. Mais hein, c'est ça. Oui, oui. Alors c'est Charles Quint, hein, qui finalement un peu, qui est l'homologue de Soliman le Magnifique, finalement à la même époque. Puisque, l'empereur en face, voilà, en fait. C'est lui... le seul qui l'ait véritablement combattu. Je dis ça pour une fois de plus régler des comptes avec François Ier. Fermons vite cette parenthèse. Ouais. Eh bien, finalement, Charles Quint assume ses fonctions finalement de glaive suprême au temporel de la chrétienté en relogeant ces pauvres hospitaliers et en leur donnant la Sicile qui dépend jusque-là de Malte, pardon, qui dépend jusque-là du royaume de Sicile. Alors cet ordre de Malte respectera d'une certaine manière la tradition hospitalière. Est-ce qu'ils sont les dignes descendants, si je puis dire, des anciens moines soldats de la Terre Sainte? Il y a bien sûr cette dimension toujours, hein, essentiellement symbolique, mais aujourd'hui et depuis longtemps, c'est quand même la dimension hospitalière en pratique qui est mise en valeur. Et comment Il ne faut pas oublier que l'ordre de Malte joue un rôle aussi important, sûr. Même dans certains pays, plus important que la Croix-Rouge par bien exemple. Sûr, hein, bien donc sûr, c'est très fait. Oui. On est revenu un peu, comme vous savez, avec Vatican II, mais même avant, dans une large mesure, du côté un peu belliqueux qu'avait imprimé au catholicisme l'ère des croisades. Oui, bien sûr. Et donc les hospitaliers sont redevenus pleinement hospitaliers. Merci beaucoup Julien Théry. Je rappelle votre ouvrage, Le Livre des Sentences de l'Inquisiteur Bernard Guy. Ce sont des extraits choisis de ce livre fondateur, hein, publié aux éditions du CNRS. Et puis là, en ce moment, vous êtes en train de travailler sur le sujet des vêpres siciliennes. Sur les vêpres siciliennes, oui. Vous viendrez nous en reparler. On avait déjà fait une émission là-dessus. Oui, tout à fait. Avec Merci plaisir. Beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous restons à Rhodes avec notre guide. Et quel guide ? C'est Lorena Martin qui nous y emmène cet après-midi. Oui, nous remettons le cap sur le Dodécanèse, sur cette île de Rhodes particulièrement propice au tourisme, il faut le dire. Bonjour Lorena. Oui, bonjour Franck, puisque c'est l'archipel le plus ensoleillé d'Europe. N'est-ce pas ? On compte environ 200 îles, on est tout proche de la Turquie, vous l'avez dit. Et c'est un archipel qui a connu des invasions multiples, des sièges, des traités de paix. Et on sent encore aujourd'hui l'influence des conquérants grecs, romains, sarrasins, byzantins, vénitiens et juifs séfarades rejetés d'Espagne. Et je pense qu'on doit pouvoir dire que c'est un des lieux où la présence du Moyen-Âge est le plus perceptible. Quand on se promène dans ces immenses rues pavées de la vieille cité de Rhodes, franchement, on est au XIVe siècle. C'est assez étonnant d'ailleurs à vivre. Ah oui, à l'intérieur des remparts, on est transporté dans cette atmosphère, un dédale de rues pavées, d'arches, de passages étroits. Tout est monumental. Tout est, exactement. Et donc, il faut bien sûr voir les murailles des chevaliers hospitaliers. Ils résidaient dans cette partie de la cité fortifiée, appelée Colacium. Et l'enceinte existait déjà à l'arrivée des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, mais ils l'ont presque entièrement reconstruite. Et puis, dans ce quartier des chevaliers, on peut aussi voir le palais des grands maîtres dont vous avez parlé, se balader rue des chevaliers, qui est une rue médiévale bordée Incroyable, d'auberges, magnifique. Ces bâtiments gothiques du XVe siècle où habitaient les chevaliers, ou encore l'hôpital des chevaliers qui abrite aujourd'hui le musée archéologique. Ces bouquets de bougainvilliers qui rendent l'île tellement splendide. Alors il y a des hôtels qui sont quasiment des auberges médiévales d'ailleurs. On en trouve encore pas mal. Et il y a notamment le Cocchini Porta Rossa, dont les bâtiments en fait datent de l'époque médiévale. C'est la première maison que vous voyez quand vous entrez dans la vieille ville depuis la porte de Saint-Jean. C'est Cocchini Porta Rossa en fait, c'est la porte rouge. Et en hommage à ceux Saint-Jean, qui sont morts... La porte de Saint-Jean, si je ne m'abuse, aujourd'hui physiquement, elle se trouve au château de Versailles. D'ailleurs, elle avait été offerte à Louis-Philippe, mais je ferme cette parenthèse très vite. Et en fait, cette porte rouge, donc, elle a été là en hommage à ceux qui sont morts en la défendant. Et les propriétaires ont transformé cette maison en ruine, en hôtel. Ils ont conservé, quand cela était possible, le parquet ou les murs de pierre d'époque. Et à la place de cet hôtel se trouvait autrefois une résidence de chevalier avec une petite église dans sa cour. Et c'est là qu'habitait le chevalier en charge de la défense de la porte. Et lorsque les chevaliers ont livré Rhodes aux Turcs en 1522, les familles turques et plus tard grecques ont vécu aussi dans cette grande maison. Ah oui, c'était la plus d'origine... agréable, hein, tout simplement. Exactement. Et ils étaient d'origine et religions différentes et ont réussi à vivre en harmonie sous le même toit. Et depuis, les propriétaires ont nommé les suites de l'hôtel dans le nom en fait, de certaines de ces familles, donc Goulbin, Katina, Denise, Irène, Oran, Nil et Loxandra. Alors ça, c'est pour le côté tout à fait historique, si je puis dire. Disons aussi qu'il y a à Rhodes des hôtels beaucoup plus modernes, hein, avec des grandes piscines. Complètement des lieux absolument splendides, des maisons même très contemporaines, toujours dans les tons de blanc qui donnent un beau cachet avec le bleu de la mer. Avec depuis quelques années la tonalité un peu amère de la présence de ces migrants qui sont là partout. On est très près des côtes turques. Merci beaucoup Lorena Martin. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et à quelques heures du week-end, vous nous proposez de la lecture. C'est votre coup de cœur du vendredi aujourd'hui, Franck Ferrand. Ah oui, vous savez, il y a des ouvrages qui paraissent de manière plus confidentielle que d'autres, disons-le. Hein. Tous les livres n'ont pas la chance de paraître chez Fayard, chez Perrin ou que sais-je. Ça ne veut pas dire qu'ils soient forcément moins intéressants, bien au contraire. Et certains peuvent même receler des trésors. Eh bien, c'est le cas de celui dont je vais vous parler cet après-midi. C'est un petit livre, hein. On pourrait presque parler d'un opuscule. Hein. Il fait moins de 100 pages. Il est joliment illustré. Édité par Le Charmoiset. Il est signé d'un auteur qu'on connaît mieux en Corse que sur le continent, San Piero Sanguinetti. Rien que ça, je devrais d'ailleurs le dire, San Piero Sanguinetti. C'est mieux. Voilà. Quant au sujet, c'est tout un mystère puisqu'il s'agit de la biographie d'un illustre inconnu, Arthur Hugenschmidt. Hugenschmidt est né en 1862, il est mort en 1929. Eh bien, c'est là, à mon sens, que réside tout le sel de l'ouvrage. À une époque où on publie, où on republie à satiété la énième bio sur des personnages déjà célèbres, moi je trouve assez piquant que certains auteurs aient le courage d'exercer leur talent sur des inconnus. Et on peut dire de ce Hugenschmidt qu'il est alors carrément un inconnu. Officiellement, il est le fils d'un simple employé et d'une simple lingère du palais des Tuileries. Bon. Ah oui, sauf qu'il naît en 1862. Les Tuileries, en 62, c'est quand même la résidence de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Eh bien, officieusement, la rumeur prétend que notre Hugenschmidt serait le fils caché de l'empereur en personne. Ça devient intéressant. Et de la plus célèbre de ses maîtresses, la sulfureuse Castiglione. Vous vous rappelez cette comtesse de Castiglione dont nous avons eu l'occasion ici de parler, bien sûr. Et là, c'est une énigme que M. Sanguinetti résout en fouillant dans un fatras d'archives inédites, en exhumant quelques pépites, en redonnant vie au passage à toute une époque. Et une époque qui, là, on peut le dire, est vécue littéralement de l'intérieur. On suit pas à pas ce jeune homme qui va devenir dentiste depuis ses études aux États-Unis jusqu'à sa grande réussite à Paris. Il finira par jouer un rôle secret, ce Hugenschmidt, mais un rôle éminent dans un moment clé de la politique française. Je vous en révèle pas davantage. Et il se servira notamment de ses relations privilégiées avec l'impératrice Eugénie. Eugénie qui s'est tôt intéressée à lui et dont il a fini par devenir un des familiers les plus proches. Mais aussi avec des clients et des amis éminents, et notamment Clémenceau. Alors, l'auteur s'est parfois autorisé à parler à la première personne. Le tout est agrémenté de photos de la collection de Hugenschmidt. Et je vous avoue que voir, par exemple, Clémenceau en train de s'entretenir amicalement avec celui qui présente assez singulièrement les traits du défunt empereur, ça ne manque pas d'ironie. L'ouvrage, je ne vous l'ai même pas encore dit, s'appelle « L'enfant ». L'enfant, c'est ainsi que l'appelait celle qui est censée être sa véritable mère. Il est sous-titré « La lingère, la comtesse et l'impératrice » et donc il est publié par Le Charmoiset. Voici Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Franck. Alors cet après-midi, je vous mets au vert. Est-ce que vous êtes partant pour une petite cure détox ? C'est le moment. Merci beaucoup Isabelle. On va écouter ça avec intérêt. Nous nous retrouvons demain à 14h sur Europe 1 pour la rediffusion du week-end. Et oui, demain, une émission consacrée à Guillaume le Conquérant. On nous parlerait de la bataille d'Hastings. Et puis dimanche, rediffusion de l'émission consacrée à la saga Guerlain. On se retrouve lundi en direct avec le Paris de la Révolution.